France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor à Pompéi à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Un matin de 1974, le metteur en scène, le chorégraphe Michael Bennett appelle Marvin Hamlisch, un compositeur hétéroclite, enfant prodige, issu de la Juilliard School, mais qui compose aussi des musiques de films pour les comédies salaces de Woody Allen à Hollywood. Marvin, laisse tout tomber et rejoins-moi à New York. J'ai un spectacle à propos de danseurs. Tu sais, les gypsies, ces gars... Ces filles de la ligne de cœur de danse sont toujours souriants, qui jouent les faire-valoir de la vedette pour des cacahuètes et ruinent leurs rotules. Le concept est lancé. A Chorus Line, la comédie musicale, naît le 15 avril 1975 à New York, d'abord dans un tout petit théâtre, le Public Theater. Il connaît un tel succès qu'il est transféré immédiatement à Broadway. Il y restera 15 ans, un record de longévité avant le Fantôme de l'Opéra ou Les Misérables. 40 ans plus tard, nous y sommes. Sony vient de sortir un album anniversaire de A Chorus Line avec une vue inédite puisque nous découvrons des maquettes de chansons et des chansons aussi inédites supprimées. Et ce matin, je reçois son producteur, Didier Deut, tout juste sorti de New York. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Tout juste débarqué de New York, veux-je dire. Tout juste débarqué de New York, oui, exactement. Alors vous n'êtes pas arrivé les mains vides, on aura une super exclusivité tout à l'heure, un inédit qui n'est même pas sur l'album que vous avez produit. C'est exact. Ensemble, on va raconter ce matin les coulisses de Chorus Line. Bonjour à tous. One singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you know who. One moment in her presence and you can forget the rest. For the girl is second best to none. Son, ooh, sigh. Your attention, do I really have to mention? She's the one. She wants it to work. One singular sensation, every little step he takes. Thrilling combination, every move that he makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you. Jocelyn Sauntering, Emily Chandler. she walks into a room, and you know you must shuffle along, join the parade. She's the quintessence of making the grade. This is what you call traveling. Oh, stretch your stuff. Can't get enough. La maquette est la version remixée, remasterisée du final de A Chorus Line. A Chorus Line dont Sony vient de sortir un album, 40e anniversaire. Et comme c'est bientôt Noël, évidemment, j'en ai 5 pour vous. Pour les recevoir, il vous suffit de nous écrire sur la page de 42e rue. Vous allez sur francemusique.fr, vous tapez sur l'onglet « Nous contacter », vous nous indiquez s'il vous plaît votre adresse pour que le Père Noël puisse vous trouver, ce serait plus simple. Et puis voilà, tirage au sort tout à l'heure, juste avant midi. Le final de A Chorus Line qui a un goût amer, faut bien le dire, parce que c'est l'aboutissement de l'intrigue. À la fin, seule une poignée de garçons et filles sont retenus après une audition qui constitue le fil conducteur du spectacle. Et après avoir donné le meilleur d'eux-mêmes, ils finissent complètement anonymes, danseurs, tous habillés pareil, en costume doré, canne à la main, chapeau haut de forme, dansant à l'unisson pour annoncer celle qui est la vedette du spectacle et qu'on ne verra jamais. C'est un contraste saisissant avec le début de Chorus Line où on voit chaque danseur arriver, il n'a qu'une idée en tête, j'espère que je vais décrocher ce job, j'ai besoin de ce job, s'il vous plaît, aidez-moi à décrocher ce job. Et c'est un exemple parfait du travail du compositeur Marvin Hamlisch qui, à partir du livret, a tâché de construire une partition qui, je cite, il disait qu'elle doit sonner comme si musique et histoire étaient parfaitement fusionnelles. Alors par exemple, eh bien dans ce numéro, j'espère que je vais décrocher ce rôle, I hope I get it. Again. Step, kick, kick, leap, kick, touch. Again, step, kick, kick, leap, kick, touch. Again, step, kick, kick, leap, kick, touch. Again, step, kick, kick, leap, kick, touch. Right, that connects with turn, turn, out, in, touch. Step, step, kick, kick, leap, kick, touch. Got it? Going on, and turn, turn, touch, down, back step, pivot step, walk, walk, walk, right. Let's do the whole combination, facing away from the mirror, from the top, on five, six, seven, eight. people and all the people. How many people does he need? How many boys, how many girls, how many people does he? I really need this job. Please God, I need this job. I've got to get this job. Stage left, boys. Let's do the ballet combination. First group of girls, second group follow. Oh, one, two, three, four, five, six. Let me see the boys, the whole group. Ready? A five, six, seven, eight, up! Okay, girls, a five, six, seven, eight! Of a person I don't know. What does he want from me? What should I try to be? So many faces all around, and here we go. I need this job. Oh God, I need this show. J'ai besoin de faire partie de ce spectacle, j'ai besoin de ce job. Didier Deutsch, merci d'être avec nous. Merci. Je vous voyais, mais vous connaissez par cœur les paroles, c'est très impressionnant. Absolument, oui, bien sûr, oui. Vous êtes spécialiste de comédie musicale et de musique de film, vous avez écrit des livres à ce propos. Vous habitez New York, vous avez produit chez Sony Masterworks, ex-Columbia Records, un nombre incalculable de rééditions de comédie musicale. Et vous avez l'occasion de plonger régulièrement dans les archives sur Madison Avenue, dans ce grand building de Sony, que ce soit sonore ou photo de ce grand label. Oui. Et vous avez produit avec l'ingénieur du son Mike Piacentini ce tout nouvel album de célébration du 40e anniversaire de Chorus Line. Pourquoi elle est si importante et pourquoi, je crois que vous étiez dans la salle en 1976, vous imaginiez que ça allait à ce point marquer Broadway ? À l'époque, non. Mais en réalité, la pièce elle-même se démarque en quelque sorte des comédies musicales traditionnelles. Pour la première fois, on donne une voix importante à tous ces enfants de la balle qui se trouvent derrière la grande vedette, qui sont en quelque sorte la garniture de cette grande vedette, et on leur donne l'occasion de manifester leurs propres sentiments, leurs angoisses, les problèmes qui se posent à eux, parce qu'ils jouent en réalité dans un anonymat complet. On voit la grande vedette, on les ignore complètement. On sait qu'ils sont là, mais on les ignore complètement. Et pour la première fois, ils peuvent parler, ils peuvent raconter leur histoire. Mais on se dit, c'est presque un spectacle sur les coulisses de Broadway. Est-ce que ça intéresse vraiment le grand public? Or, c'est resté 15 ans à l'affiche. Comment ça se fait? Ben parce que Chorus Line est devenu un spectacle extraordinaire, qui, encore une fois, était totalement différent des autres spectacles. Imaginez un spectacle où il n'y a ni livret, ni décor, il y a simplement des gens sur scène qui racontent leur histoire, c'est tout. Même pas d'entracte, puisque c'était un spectacle continu jusqu'à la fin. Et ça n'a rien à voir avec la comédie musicale traditionnelle de l'époque et même de maintenant. Qui était Michael Bennett, le metteur en scène, le chorégraphe? Michael Bennett, alors là, il avait fait un parcours qui l'autorisait donc à faire ce genre de spectacle, puisqu'il avait débuté dans West Side Story à l'âge de 11 ans. C'était donc un enfant de la balle lui-même. Il avait subi ses auditions où il devait montrer son talent, ce qu'il devait faire. Et précisément, ce spectacle a été construit par les interviews qu'il a faites avec ses collègues parmi les danseurs et les chanteurs qui, justement, se présentaient à l'audition pour avoir un travail dans un spectacle de Broadway. Alors, pour cette réédition, Didier Deutsch, vous avez expurgé des inédits. On va en entendre une. On va d'ailleurs entendre la chanson qui aurait pu commencer le spectacle, remplacer celle qu'on vient d'entendre. Effectivement, oui. Qu'est-ce que c'est que ces maquettes? Comment vous avez trouvé ça? Où est-ce que ça se trouve? Quand nous avons voulu faire cette réédition du 40e anniversaire, on a demandé à la famille de Marvin Hamlisch et de Ed Kleben de nous fournir tous les éléments qu'ils avaient à leur disposition. Et on a trouvé donc des enregistrements qu'ils avaient faits, de démonstrations qu'ils avaient présentées à Michael Bennett pour voir s'il était d'accord pour les utiliser. Alors, comme ça se fait dans les spectacles de Broadway, on utilise certains morceaux, ça marche ou ça ne marche pas, on en utilise d'autres. Et ces morceaux qui avaient été écrits à l'origine n'ont pas tenu, puisqu'ils ont été remplacés par d'autres morceaux qui ont fait l'ébauche finale de la pièce. Alors, premier exemple, voici donc la chanson qui aurait dû remplacer celle qu'on vient d'entendre. Dans cette proposition, donc les danseurs arrivent toujours en disant « j'espère que je vais avoir le job », mais la façon dont ils le disent est différente. Ils arrivent avec leur CV, en anglais on dit « résumé », et ils expliquent que tout est là. Oh God, I'm really Whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, whisper, wh I did Fair Lady, West Side Story, no layoffs, not court, 2 years boys, 2 years acting, hobby skating and bachelorhood, plus the national tour of Superstar, the bus and truck of Cabaret, the Lincoln Center Carousel, the Dinner Theater Brigadoon, and Burger King and Dr. Pepper, modeling and Milligan, and modern and interpretive and acrobatics, calisthenics. And acrobatics, calisthenics, and I whistle good. C'est une façon, on pourrait faire ça quand on va postuler pour un job, chanter, qu'on a travaillé chez Burger King, voilà, qu'on sait siffler, qu'on a aussi fait partie de la tournée de Carousel. Absolument. Qui sont ceux qui chantent sur ces maquettes? Marvin Ablish et Ed Kleben, donc le compositeur et le parolier qui ont enregistré cette chanson, et d'ailleurs les autres, nous allons entendre deux, pour les présenter à Michael Bennett, qui devait faire, en fin de compte, le choix de ce qu'il voulait entendre. Alors Didier II, je vous l'avais dit, c'est extrêmement réaliste, Chorus Line. Hein. C'est basé sur des témoignages réels de danseurs. Absolument, oui. De gypsies. Oui, oui. Et tout cela est transformé en numéro. L'un des plus beaux numéros, c'est peut-être celui où trois jeunes femmes expliquent pourquoi elles se sont inscrites petites à un cours de ballet. Il y en a une qui raconte que c'est une consolation, parce qu'elle ne trouvait pas d'affection à la maison. L'autre, parce qu'elle avait un visage ingrat et qu'elle trouvait que ça la rendait belle. Oui. Et puis une autre, pour une autre, le ballet remplaçait le père qu'elle n'avait pas eu. Alors comme ce matin, on fait la fête à Chorus Line, Didier Deutsch, je vous propose une version absolument incroyable avec trois stars actuelles de Broadway. C'est extrait d'un concert qui a été donné au Lincoln Center l'an dernier en hommage au compositeur Marvin Ablish. Sur scène, il y a Kelly O'Hara, Megan Hilty et d'abord Audra McDonald. Daddy always thought that he married beneath him. That's what he said, that's what he said. When he proposed, he informed my mother he was probably her very last chance. Though she was 22, though she was 22, though she was 22, she married him. Life with my dad wasn't ever a picnic, more like a come-as-you-are. When I was 5, I remember my mother dug earrings out of the car. I knew that they weren't hers, but it wasn't something you'd want to discuss. He wasn't warm. Well, not to her. Well, not to us. Everything was beautiful at the ballet. Graceful men with lovely girls in white. Yes, everything was beautiful at the ballet. Hey, I was happy at the ballet. That's when I started class, up the steep and very narrow stairway, to the voice like a metronome. Up a steep and very narrow stairway. It wasn't paradise. It wasn't paradise. It wasn't paradise. But it was home. Mother always said I'd be very attractive when I grew up, when I grew up. Different, she said, with a special something and a very, very personal flair. And though I was 8 or 9, though I was 8 or 9, though I was 8 or 9, I hated her. Now, different is nice, but it sure isn't pretty. Pretty is what it's about. I never met anyone who was different, who couldn't figure that out. So beautiful, I'd never live to see. But it was clear, if not to her, well then to me, that everyone is beautiful at the ballet. Every prince has got to have his swan. Yes, everyone is beautiful at the ballet. I was pretty at the ballet. Very narrow stairway to the voice like a metronome. Up the steep and very narrow stairway. It wasn't paradise. It wasn't paradise. against, really, except each other. I mean, I was born to save their marriage. But when my father came to pick my mother up from the hospital, he said, well, I thought this was going to help, but I guess it's not. Anyway, I had a fantastic fantasy life. I used to dance around the living room with my arms up like this. And my fantasy was that it was an Indian chief, and he'd say to me, Maggie, do you want to dance? And I'd say, Daddy, I would love to dance. Do, do, do, do. Comme si vous étiez au Lincoln Center avec Audra McDonald, Megan Hilty et Kelly O'Hara at the Ballet. Ce matin, on fête le 40e anniversaire de Chorus Line et la publication d'un album chez Sony de célébration avec des morceaux jamais entendus. On va en entendre un, mais auparavant, Didier Deutsch, vous qui avez produit cet album, concrètement, il y a beaucoup d'inédits dans Chorus Line. Vous avez tout sorti là, c'est bon? Nous avons pratiquement tout sorti. Il y avait surtout beaucoup de chansons qui ont été utilisées, que Kleben et Marvin Hamlisch avaient présenté à Michael Bennett, qui ont été retenues, et on avait leur version à eux, mais il y avait également des inédits, comme celle que nous avons entendue au début. Et alors là, il nous a fallu, on avait une cassette à notre disposition, c'est-à-dire un son très sans réponse du point de vue audio. C'était très très pauvre comme son. Alors il nous a fallu le faire passer, rehausser, parce qu'on voulait le faire sortir en haute résolution, puisque tout l'enregistrement est en haute résolution. Donc on a manœuvré en quelque sorte. Mon ingénieur du son m'a beaucoup aidé dans ce sens-là, à donner beaucoup plus de vitalité et de vie à ces enregistrements réalisés avec des moyens de fortune par les deux, Kleben et Hamlisch. La première fois que vous avez ça, vous êtes le premier à l'entendre. Ça vous ressentez quoi quand vous entendez tous ces inédits? Ah, ça fait quand même un choc. Alors il y a deux réactions. La première, il faut utiliser. La deuxième, comment on va faire pour que ça sorte bien? Parce que effectivement, c'est cela. On veut tout utiliser, mais il y a certains morceaux qui ne sortent pas du tout. C'est très très plat comme interprétation. Et il y en a d'autres qu'on peut on peut manipuler le son lui-même et lui donner beaucoup plus de vie. C'est vraiment cela. Alors, il y a une curiosité, moi j'ai trouvé. On va l'entendre tout de suite. C'est la chanson, peut-être une des chansons les plus connues de Chorus Line, What I Did for Love. C'est une ballade. Mais la première fois qu'ils font la maquette, apparemment pour la montrer au metteur en scène Michael Bennett, ils n'ont pas encore les paroles. And here's the finale ballad. Don, don, don, da, da. Ba-da-ba-da-ba. Et c'est devenu What I Did for Love. Je vous propose de l'écouter dans une interprétation historique, on peut le dire. Cette année, la troupe qui était à l'affiche du Public Theater, où avait été créé Chorus Line il y a 40 ans, a interprété cette chanson. Or, il se trouve que la troupe qui était à ce moment-là sur la scène du Public Theater, c'est la troupe du spectacle qui fait actuellement sensation à Broadway. Ça s'appelle Hamilton, c'est l'histoire de la création des États-Unis en musique crap. Du coup, cette chanson, What I Did for Love, est interprétée par un cast multi-ethnique. Il y a quelques larcènes à la fin de l'enregistrement en live. Vous inquiétez pas, mais il vaut le détour de la part de la relève du théâtre musical américain d'aujourd'hui. Kiss today, goodbye. And sorrow. Wish me luck the same to you. But I can't regret what I did for love, what I did for love. Look, my eyes are dry. Forget what I did for love, what I did for love. Gone. Love is never gone as we travel on. Love's what we'll remember. Didier Deutsch est avec nous ce matin. C'est lui qui a produit l'album des 40 ans de A Chorus Line. Dans votre album, il y a donc des inédits. On va entendre une chanson qui s'appelle Shoes. Qu'est-ce que c'est? C'est un personnage qu'on ne connaît pas si on a été voir la comédie musicale. Shoes, c'est l'un des danseurs qui raconte qu'il a un fétiche. Il lui faut des souliers pour toutes les occasions. Alors il dit, chaque paire de souliers, pour moi, était un ordre que je recevais. Je mettais jusqu'à 13 paires de souliers par jour. Alors, une paire pour aller au lit, une paire pour prendre le train, une paire pour marcher sous la pluie. Et c'est cela, c'est ce qu'ils décrivent. Et une paire pour danser, bien sûr, puisqu'on parle de danse avant tout. Donc, au piano, Marvin Hamlisch. Oui, et à la parole, à la chanson, Ed Kleben, qui est le parolier. Dad invented a system. First he gave the reward. That way I would always know what I should be working toward. Prizes came in a shoebox, tied with ribbon or string. When I was 5, I began to understand. Each pair of shoes, though it seemed like a gift, was really a command. A new pair for school meant you'll get better grades. The sneakers with tassels, you'll march in parades. The shiny new Oxfords, official and brown, meant get out and be the best Girl Scout in town. When I got to Mary Jane's, white ones for church, the sight of them filled me with prayer. And when I did good, my daddy would bring me home another pair. In time I'm wearing 13 pair a day, so you will understand me when I say I spent the best years of my life changing my shoes, changing my shoes, changing my shoes. My daddy gave presents a girl couldn't refuse. I spent the best years of my life changing my shoes. Thank you, is this the kind of thing you thank you, it's hard to know unless you give me a little hint. Yes sir, no sir, I can't imagine what you, yes sir, no sir, how could you possibly be interested in shoes for the good things, shoes for the bad, shoes cause Mickey Robinson had, shoes for the taxi, shoes for the train, and the boots when Dad would make it rain. Do I make myself plain? I spent the best years of my life changing my shoes, changing my shoes, changing my shoes, cause I had more pair than a sane person could use. I spent the best years of my life changing my shoes. Isn't it wonderful she has shoes for every occasion, in every color and size, surprise, and aren't you glad? Dad invented a system based on friendly persuasion, so neat I am. First came the top shoes, shuffle and hop, then the sneakers, I bob and I bop. Later the gym shoes for my ballet, which is why I guess I'm here today. I spent the best years of my life changing my shoes, changing my shoes, changing my shoes. I spent the rest years of my life singing the blues, because my early years were awful laceful. Daddy, it was so disgraceful. All my memories come to me in twos. My youth was flip flop, dang you pop. Is he ever gonna stop? Bah, j'aime bien cette chanson qui a été coupée de Chorus Line. Ben oui, mais malheureusement, elle ne cadrait plus dans le livret que Kirkwood avait écrit, James Kirkwood, et par conséquent, ils l'ont éliminée. La chanson d'un fanatique ou d'une fanatique de chaussures. Alors, on célèbre ce matin les 40 ans de Chorus Line. Alors, j'ai envie de vous faire entendre ce matin des versions différentes des grandes chansons de ce spectacle qui racontent les coulisses du showbiz sans phare. Voici par exemple la chanson de Diana. Alors, ça, c'est un rôle créé en 75 par Priscilla Lopez. Elle raconte la dure classe de théâtre dans son école très chic. Rien de ce qu'elle faisait ne plaisait aux professeurs. C'était un peu un cours à la Actor Studio où chacun devait ressentir la neige, la pluie, la peur. Mais elle ne ressentait jamais rien. Nothing. Léa Salonga. I'm so excited because I'm gonna go to the high school for the performing arts. I mean, I was dying to be a serious actress. Anyway, it's the first day of acting class and we're in the auditorium and the teacher, Mr. Karp, puts us up on the stage with our legs around everybody, one in back of the other, and he says, okay, we're gonna do improvisations. Now, you're on a bobsled and it's snowing out, and it's cold. Okay? Go. Every day for a week we would try to feel the motion down the hill. Every day for a week we would try to hear the wind rush, feel the chill. And I dug right down to the bottom of my soul to see what I had inside. Yes, I dug right down to the bottom of my soul, and I tried, and everybody's going, whoosh, whoosh. I feel the snow, I feel the cold, I feel the air. And Mr. Carp turns to me and says, okay, Morales, what did you feel? And I said, nothing, I'm feeling nothing. And he said, sleds in San Juan. Second week, more advanced, and we had to be a table, be a sports car, ice cream cone. Mr. Carp, he would say, very good, except Morales. Try Morales all alone. And I dug right down to the bottom of my soul to see how an ice cream. Be an actress. Never. Jesus Christ! Went to church praying, Santa Maria, send me guidance. Send me guidance on my knees. Went to church praying, Santa Maria, help me feel it. Help me feel it. Pretty please. And a voice from came up to the top of my head. Yes, the voice from down at the bottom of my soul. Here is one. It said, this man is nothing. This course is nothing. If you want something, go find a better class. And when you find one, you'll be an actress. And I assure you, that's what finally came to pass. 6 months later, I heard that Carp had died. And I dug right down to the bottom of my Elle est pas mal, Léa Salonga, dans le rôle de Priscilla. Alors, Sunny vient donc de sortir un album, 40e anniversaire, A Chorus Line, que vous avez produit, Didier Deutsch. Il y a tous les numéros qu'on connaît, 13 pistes qui ont été remixées, remasterisées. Très bon son, il y a 8 pistes avec des bonus qui sont soit des maquettes de chansons qu'on connaît, soit de chansons coupées. Et puis alors, ce matin, alors vous faites c'est votre cadeau de Noël pour les auditeurs de France Musique. Vous êtes venu avec quelque chose qui n'est pas dans l'album et qui est inédit, que personne n'a jamais entendu, et qu'il n'y a que France Musique. Linda Klein, qui était l'épouse de Ed Klebe, Stephen nous a confié donc cette cassette que j'ai utilisée pour ce disque que je vous ai porté. C'est un pot-pourri des chansons, de diverses chansons que Ed Kleben et Marvin Hamlisch avaient composées. Certaines d'entre elles ont été utilisées, d'autres pas. Et il faut que j'explique au début, Ed Kleben annonce qu'il va essayer de jouer ce pot-pourri et de le chanter en dépit du fait qu'il vient de subir une intervention chirurgicale. Il est allé chez le dentiste, il a des tas de problèmes, mais en définitive, il va quand même essayer de jouer ce pot pourri, et c'est ce que nous allons entendre. Alors, comme on dit, chers auditeurs, alors aujourd'hui on dirait à vos podcasts, mais on peut aussi dire à vos cassettes. This is the notorious chorus line cutout medley, take one, prior to periodontal surgery. I still have my teeth, etc. Has a wonderful way of defining one's needs. Time will succeed where an analyst rarely succeeds. Hollywood gave me a pain and a fabulous tan. I learned, I ran. Inside the music, inside my head. And when I hear the music, I get lost inside. Until I find the dancer, and it's safe to hide. Inside the music, where I'm the dancer, and I can nada. Siempre, siempre nada. And somehow it was out of my control. Nada, nada, nada, nada. I even tried and failed in Espanol. Goodbye 12, goodbye 13, hello love. Change is old, down below, up above. Time to doubt, to break out, it's a mess. Time to grow, time to go, adolesce, to adolesce. Too late, too late to forbid it. Too early to boast, gee, you really did it. Yeah, almost, twice a week, in the bathroom with a glove. Goodbye 12, goodbye 13, hello love. I'd have to start dancing because Joanne went. Joanne? She was a little girl, down on the second floor. I had a crazy crush on her since I was 3 or 4. We'd come home from school and we would watch TV. It would be Cookies, Mouseketeers, Joanne and me. Joanne, Joanne, that was her name. I loved her so, oh you don't know, she felt the same. And then the morning came when I went down to play. Her mama said to me, Joanne is gone, it's Saturday. She went to dancing school, she's going every week. Well, I just stood there in the hall, too hurt to speak. Joanne, Joanne, you had to dance. I'm coming, hun, I'm on my way, oh, true romance. Joanne, Joanne, I almost died. Within an hour we were tapping side by side. Dad invented a system based on giving rewards. That way I would always have something to be working towards. Prizes came in a shoebox tied with ribbon or string. When I was 5, I began to understand. Each pair of shoes, though it looked like a gift, was really a command. I spent the best years of my life changing my shoes, changing my shoes, changing my shoes. I spent the rest years of my life singing the blues, because my early years were awful laceful. Daddy, it was so disgraceful. All my memories come to me in twos. I spent them flip-flop, thank you, Pop. Will he ever really stop? Why do they all assume that I'm into Zen? Oh, to be doing flower drum song again. Nothing to eat, nothing to eat. Stayed alive on Spam and honey, here I am. She walks into a room and you know she's uncommonly rare, very unique. So when I'm on a poetic in Greek, this is what you call traveling. Oh, giddy gait, perambulate, hey there, say there. I don't know where you go, but I wanna go too. With your grand jeté, you have a way with the relevé. What extension, not to mention, take the shots for them, guys sell plots for them. They tell me now my attitude is warmer, they tell me I have grown as a performer. All in here, yes, it's all in here. Ronfield and Gower and Fosse, you wanna see an 8x10 glossy career. It's all in here. Resume, resume, resume, resume, resume. But it's all in here in my 8x10 and glossy. Yes, it's all in here. Everything you wanna know, written small in here. All the jobs and education from this morning back to long ago. Yes, it's all in here, all the shows and all the memories. Yes, it's all in here, added up in black and white, written small in here, with my picture to remember. Look it over, I know I'm right. Look it over, look it over, look it over. Please, I know I'm right. Right? Wrong. Un inédit, avec beaucoup de morceaux à l'intérieur, de A Chorus Line, des chansons qui ont été utilisées et d'autres pas du tout. Absolument. Qui n'est pas dans votre album, Lillie Deutsch? Non. Et pourquoi? À l'exception d'une seule. On a un extrait de Johan qui se trouve dans cet album. Mais parce que Johan, on l'a obtenu d'une source différente et on avait déjà créé l'album. Et on a obtenu la cassette que Linda Klein m'a donnée. Et c'était trop tard pour le mettre dans l'album, pour le faire sortir à temps. Eh ben merci d'avoir partagé avec les éditeurs de France Musique ces 6 minutes épatantes de Chorus Line. Merci de m'avoir invité. Chorus Line, l'album du 40e anniversaire, vient de paraître chez Sony Masterworks. Et alors bravo aux éditeurs qui vont normalement, si tout va bien, le recevoir juste pour Noël. Puisque, eh bien, ils partiront demain par la poste. Bravo à Jean-Marie qui habite au Grand Quevilly, en Seine-Maritime. Bravo à Estelle à Grenoble, Florent à Tours, Jean à Saint-Étienne-Vallée-Française en Lozère. Et puis Daniel à Paris, Didier Deutsch, vous travaillez sur d'autres rééditions de comédies musicales à New York? Pas exactement en comédie musicale, mais je travaille à l'heure actuelle sur un ensemble de 2 CD d'inédits de Stephen Sondheim qui va sortir certainement à l'occasion de son anniversaire au mois de février, donc ça va coïncider en quelque sorte. Il va y avoir une quarantaine de chansons inédites qui avait été composé pour diverses comédies musicales et jamais utilisé. Eh bien, on attend ça avec impatience. Merci Didier. Merci Laurent. On se quitte avec Kurt Mazur, si vous voulez bien. On a appris hier la disparition du grand chef d'orchestre allemand. Demain, France Musique lui rendra hommage toute la journée. Et juste après le journal aussi, Renaud Machard lui consacrera son émission Zigzag. Kurt Mazur, qui fut de 1991 à 2002 directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de New York. Écoutez-le diriger ses variations sur I Got Rhythm de George Gershwin. Variation sur I Got Rhythm de George Gershwin avec Fazil Say et l'Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Kurt Mazur. Notez que notre prochain concert 42e rue aura lieu le jeudi 28 janvier en fin d'après-midi à la Maison de la Radio et nous aurons la chance de recevoir la troupe de Kiss Me Kate du Théâtre du Châtelet. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique proposée par Laurent Vallière. Ce matin autour de moi il y avait Martine Moni, Frédéric Potry, Elisabeth Gornet, François Pron et à la réalisation Perrine Mingui. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. On se retrouve dimanche prochain pour une mission festive autour du spectacle qui a fait découvrir Barbara Streisand, ça s'appelle Funny Girl.